50 languages. 72. 72. 72. وجوب فعل شيء. Devoir faire quelque chose. Devoir faire quelque chose. يجب علي. Devoir. Devoir. علي أن أبعث الرسالة. Je dois envoyer une lettre. Je dois envoyer une lettre. علي دفع نفقات الفندق. Je dois payer l'hôtel. Je dois payer l'hôtel. عليك أن تستيقظ مبكرا. Tu dois te lever tôt. Tu dois te lever tôt. عليك أن تعمل كثيرا. Tu dois beaucoup travailler. Tu dois beaucoup travailler. عليك أن تكون دقيقا في المواعيد. Tu dois être à l'heure. Tu dois être à l'heure. عليه أن يملأ الخزانة بالوقود. Il doit faire le plein. Il doit faire le plein. عليه أن يصلح السيارة. Il doit réparer la voiture. Il doit réparer la voiture. عليه أن يغسل السيارة. Il doit laver la voiture. Il doit laver la voiture. عليها أن تتسوق. Elle doit faire des achats. Elle doit faire des achats. عليها أن تنظف الشقة. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. عليها أن تغسل الغسيل. Elle doit laver le linge. Elle doit laver le linge. علينا أن نذهب فورا إلى المدرسة. Nous devons aller tout de suite à l'école. Nous devons aller tout de suite à l'école. علينا أن نذهب فورا إلى العمل. Nous devons aller tout de suite au travail. Nous devons aller tout de suite au travail. علينا أن نذهب فورا إلى الطبيب. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. عليكم أن تنتظروا الحافلة. Vous devez attendre le bus. Vous devez attendre le bus. عليكم أن تنتظروا القطار. Vous devez attendre le train. Vous devez attendre le train. عليكم أن تنتظروا سيارة الأجرة. Vous devez attendre le taxi. Vous devez attendre le taxi.